Je suis un homme heureux. Je vis sous un ciel bleu. Une maison recouverte de lierre. Dans un bois près d'une rivière. Je suis un homme heureux. Ça se voit dans mes yeux. Je vis au rythme des quatre saisons. Je suis un homme heureux. Je fais ce que je veux. Dans mon Éden, personne ne m'embête. Je suis mon Dieu, je suis mon maître. Je suis Je suis